franceinter.fr. Aujourd'hui, Affaires Sensibles vous propose de réécouter l'histoire d'une petite idée qui dure depuis plus de 30 ans. C'est en l'occurrence l'histoire d'un mec, Coluche, et celle d'un concept qu'il avait dessiné tout simplement d'un cœur entouré de deux couverts, symbole d'un resto pour tous ceux qui ont faim. En 1954 déjà, c'est à la radio qu'un abbé inconnu du nom de Pierre avait lancé un appel pour les sans-abri. 31 ans après, c'est Coluche qui prend le relais. Mais il n'a rien à curer, non. Sa soutane est une salopette rayée bleue et ses prêches, une multitude de sketchs et de bons mots que toute une génération s'est aimée à répéter, rejouer entre amis. Et c'est un jour de septembre 1985, comme l'abbé, au micro d'une radio, que l'humoriste lance un appel à la solidarité. Les restos. C'est l'histoire d'un mec qui devient monsieur Colucci, qui s'invite au ministère, rencontre les maires et les députés, organise de grandes opérations médiatiques, ouvre des restos partout en France et propose une loi. Tout ça en moins de 5 mois. 30 ans après, les restos sont toujours là et les files d'attente toujours plus longues durant ces mois d'hiver. Les Restos du Cœur représentent donc à la fois un succès et un échec. Oui, l'échec d'une politique vis-à-vis de la précarité, une impossibilité à trouver des solutions, la preuve. Selon la dernière estimation de l'INSEE, plus d'un Français sur 7 vit avec moins de 60% du revenu médian qui s'élève à 1003 euros par mois. Alors, qui sont ces invisibles, ces laissés pour compte de la crise, tous ces gens qui vont chercher à manger dans ces restos créés par l'inoubliable humoriste, marqueur à lui tout seul de l'esprit des années 80. Notre invité aujourd'hui, Nicolas Duvoux, professeur de sociologie à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et auteur notamment du Nouvel Âge de la solidarité, pauvreté, précarité et politique publique. Il est aussi l'un des rédacteurs de l'excellente revue numérique La Vie des Idées. Vous entendrez également un reportage d'Anaël Verzo qui est allé à la rencontre de deux personnes qui vont au Restaurant du Cœur. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Emmanuel Fournier, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Michel Bézikian. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. La crise ? Quelle crise ? Tout le monde en parle autour de nous comme d'un désastre. Bah, avouez pourtant que ce désastre-là n'est pas spectaculaire. Bah, je veux dire, comparé avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. Chez nous, les choses n'ont pas l'air catastrophiques. Pour la plupart des gens, la crise, ce n'est encore qu'un mot. Mais oui, parce que nous mangeons notre faim, nous sommes en paix. Le pays profite, malgré certaines inégalités, de privilèges incroyables. Le problème, c'est que ces privilèges, nous y sommes tellement habitués que nous ne les remarquons plus. Le 22 février 1984. Ce soir-là, Antenne 2 diffuse une émission événement intitulée « Vive la crise » avec Yves Montand dans le rôle de présentateur. Un an après le tournant de la rigueur, la télévision est appelée au secours de la politique pour expliquer ce changement d'orientation du gouvernement socialiste qui s'accommode désormais des règles de la pensée libérale anglo-saxonne selon laquelle le marché est roi et l'État un frein. Ce soir-là, à la télé, pendant plus d'une heure, on invite les Français à relativiser la crise qui touche le pays. Après chaque reportage, liant pédagogie et démagogie, Yves Montand, l'ancien compagnon du Parti communiste, récite le texte de cette pièce libérale. Il le promet, une nouvelle révolution est en marche, celle du marché, des entrepreneurs, celle des mentalités, des institutions contre la France et ses privilèges sociaux supposés. Une inclination qui aboutira au social-libéralisme que nous connaissons aujourd'hui et qui nous gouverne. Pourtant, en 1984, la crise est bien là, et depuis plusieurs années, ils sont de plus en plus nombreux à ne pas avoir un franc par jour pour vivre. Parmi ces nouveaux pauvres, comme on les appelle alors, beaucoup de jeunes qui sont montés à la capitale pour trouver un emploi, des immigrés vivant en France depuis des années, mais ne trouvant plus de travail, et puis des chômeurs en fin de droit. Le chômage, le mal du pays. En 10 ans, il est passé de 3,4% à 10,2% de la population active. Derrière ces statistiques, une France engluée dans la précarité et pour certains, la faim et le froid. Durant ces années, télévision et communication sont les maîtres mots de tout combat. Le spectacle, la publicité, les coûts médiatiques deviennent les passages obligés de toute cause. C'est en 1984 d'ailleurs que Bob Geldof et Mira Hure lancent aux États-Unis le Band Aid, un groupe éphémère d'artistes autour d'un disque de chansons afin de récolter des fonds pour venir en aide aux victimes de la famine qui frappe l'Éthiopie. Quelques mois plus tard, l'idée fait des petits, notamment en France, avec le chanteur Renaud qui lance l'association Chanteurs sans frontières. Parmi les artistes qui poussent la chansonnette pour SOS Éthiopie, on retrouve un certain Coluche. Depuis quelques mois, l'humoriste est de retour dans la lumière. Après le spleen provoqué par l'aventure avortée de la candidature de l'élection présidentielle en 81, 84 marque le retour de l'humoriste. Cette année-là, il reçoit le César du meilleur acteur pour son rôle dans Ciao Pantin. Alors, les idées noires, celles des années de déroute, de la drogue et de la dépression contre coup d'un succès fulgurant, s'estompent. C'est en 1974, soit 10 ans plus tôt, au cours du second tour de la présidentielle, que les Français découvrent Coluche. En direct à la télé, ils voient arriver un bonhomme en salopette, un peu timide, les lunettes rondes, les cheveux en boucle, qui raconte l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non? Non, parce que... parce que pas un peu. Alors, parce que pas un petit peu. Non. Parce que pas un peu. Et c'est le coup de foudre pour ce nouvel humoriste, un surdoué. On voit immédiatement avec ce sketch le pont de l'Alma et tous ceux qui suivront galerie de portraits truculents et sans retenue de la France des années Giscard. 11 ans plus tard, en 1985, Philippe Gildas, nouveau directeur d'antenne de la station Europe 1, le contacte pour une pige pendant l'été. Malgré le risque de dérapage, car jusque-là, chaque tentative d'émission radio, l'humoriste a pris la porte. Bon, Gildas tente le coup. Et c'est un coup de maître. Entouré de ses fidèles acolytes Aldo Martinez, Ludovic Paris et Jean-Michel Vagelsi, chaperonné par Maryse Gildas, l'émission cartonne et Coluche signe pour la grille de rentrée. Après la relative traversée du désert des années 81-84, l'artiste est en haut de l'affiche. Chaque jour, il fait l'événement. Tout est bon pour rire et pour faire rire. En ce mois de septembre, c'est une personnalité, Yves Mourouzi, qui va en faire les frais. Oh, gentiment. Le journaliste talentueux et transgressif, autre symbole de ces années de liberté qui font tant rêver aujourd'hui, vient d'annoncer son mariage avec une jeune femme. De tout Paris est invité à célébrer ses noces le 28 septembre 1985. Alors, comme un pied de nez à cette union que l'on dit arrangée, Coluche et Thierry Leluron décident eux aussi de se marier, 2 jours avant la star du journal. Leluron sort un respectable costume et chapeau haute forme, Coluche lui enfile sa plus belle robe. Accompagnés de leurs amis, de proches et de copines du Bois de Boulogne, ils se disent oui devant les caméras. La farce est grandiose, réussie, joyeuse, arrosée. Mais c'est le lendemain que va se jouer une partie ô combien importante. Ce jour-là, le 26 septembre 1985, Coluche débarque comme chaque matin à Europe 1 pour animer son émission intitulée de façon prophétique « Il y en aura pour tout le monde ». Mais après quelques appels d'auditeurs, Coluche change de ton. Il prend le micro et commence par ces mots. C'est qu'on a reçu beaucoup de courriers de chômeurs qui disaient « Vous chantez pour Chanteurs sans frontières, ouais, mais tout le pognon, il s'en va à l'étranger alors, quand est-ce que vous allez chanter pour les chômeurs, hein ?» Et il ajoute « Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour gratuitement. Alors tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont des grosses cantines, qui ont des restes, qui voudraient nous contacter pour ça, on est prêt à recevoir les dons de toute la France. D'ailleurs, quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche et qu'on les détruit pour maintenir le prix sur le marché, à ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer, voir ce qu'on peut faire avec les agriculteurs qui ont de l'excédent ou avec les sponsors. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça, s'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent. Une petite idée dont personne ne pouvait imaginer le succès. Ce 26 septembre 1985, Coluche se jette à l'eau. Dans son bureau, Philippe Gildas découvre cet appel à la solidarité en même temps que les auditeurs. Personne n'était au courant chez Europe 1. Et dès l'annonce de Coluche, les téléphones sonnent et les auditeurs proposent spontanément leur aide. Et là, l'humoriste ne rigole plus. Cette idée, c'est la sienne. Et ce n'est pas un gag. Le lendemain, c'est sur le plateau du Jeu de la Vérité, où il est invité pour la seconde fois de l'année, qu'il réaffirme son souhait d'ouvrir des cantines. Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, Coluche. Bonsoir. Dis donc, ne crois-tu pas que ton projet de cantine de chômeurs ouais. ne sera pas plutôt une cantine de pique-assiettes qui vivent au crochet de ceux qui travaillent ? Ben oui, c'est le problème de la solidarité, on peut voir ça comme ça, mais c'est mal de le voir comme ça. Faut expliquer le projet, hein. Oui, que j'ai l'intention de faire sponsoriser par tous ceux qui ont du fric, qui savent pas quoi en faire, à commencer par moi, donc, des gens, des cantines pour tous les gens qui ont pas à bouffer. Parce que je trouve que dans un pays comme le nôtre, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui manquent de l'essentiel, quoi, de la bouffe. Et comme il y a beaucoup de gens qui mettent de l'argent dans la publicité, je vais essayer d'en récupérer un paquet pour nourrir des chômeurs, en général, ou des gens, déshérités. Et j'espère que dans toute la France, bientôt, cet hiver, grâce à ça, il y aura, grâce à la générosité publique, il y aura des restaurants gratuits pour tout le monde. Cantine, resto, Coluche hésite encore. Les cantines du cœur, c'est le premier nom imaginé et proposé par Aldo Martinez. Mais Paul Lederman, l'impresario de Coluche, compagnon des succès de l'humoriste, le trouve trop misérabiliste. L'homme de publicité et des spectacles propose alors les restaurants du cœur. Banco, l'association, voit le jour officiellement le 14 octobre 1985. Bien, maintenant il faut obtenir des soutiens et construire un modèle pour les organiser, ces restos du cœur. La bataille s'ouvre alors sur deux fronts, institutionnel et local. Il se trouve que Coluche a des contacts dans le milieu politique, dont Jacques Attali, le fidèle conseiller du président Mitterrand. Les portes des ministères s'ouvrent donc rapidement. Outre son émission de radio de l'après-midi, puis celle du soir à la télévision qui débute sur Canal+, Coluche, décidément très occupé, doit désormais rencontrer, discuter, parfois déjeuner dans les ministères. Henri Nallet, ministre de l'Agriculture, est le premier à le recevoir. Il l'écoute attentivement et lui propose son aide technique ainsi que son soutien concernant les excédents alimentaires que stocke la communauté européenne pour préserver les prix des marchés. En effet, pour éviter la chute des prix, des stocks de denrées sont conservés. Certaines d'entre elles sont souvent détruites car elles ne sont plus consommables. Coluche obtiendra le droit d'acheter une partie de ses excédents à un prix plus que raisonnable. Des paroles et des actes, le ministre donne donc les premiers coups de pouce. Il accorde notamment à l'association l'aide permanente d'un conseiller technique du ministère dont la mission est de suivre et d'aider la création des restos. Coluche rencontre ensuite la ministre de la Solidarité ainsi que le ministre des Transports. Après le national, c'est au niveau local que l'équipe des restos doit trouver des soutiens. Et c'est Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux, qui est le premier à recevoir l'humoriste. L'ancien premier ministre le rencontre avec sa femme. Cette entrevue est décisive, car elle ouvre deux portes en poussant celle d'une grande ville de droite. Elle lève le soupçon du caractère partisan qui pesait jusque-là sur l'opération et elle apporte une légitimité à l'action de l'humoriste. Il se trouve que l'épouse de l'ancien premier ministre a son rond de serviette à la Fondation de France. Grâce à elle, les Restos du Cœur sont adoubés et reconnus par l'un des réseaux associatifs les plus importants du pays. Bref, la machine est en marche. Créée, quasi baptisée, désormais l'association doit faire ses preuves. Et c'est le fils de Paul Lederman, Alexandre, qui va être d'un grand secours. Étudiant à l'École supérieure de commerce de Paris, portant jean et cheveux longs, ce fils de bonne famille est touché par l'appel solidaire de Coluche et il décide d'y participer. Son idée, c'est de fonder un réseau à travers les écoles de commerce en province afin de lancer les restos sur toute la France en chargeant chaque relais d'organiser un secteur. Et ça marche. Après quelques semaines, c'est lui et ses camarades qu'on voit à la télé présenter le réseau. Une première décision. On a décentralisé, c'est-à-dire qu'on a contacté toutes les autres écoles de commerce et d'ingénieurs de France afin de couvrir toutes les régions de France. D'autre part, on a commencé à contacter toutes les sociétés agroalimentaires pour recevoir des dons en nourriture. Puis, on a contacté les banques pour être financées, les bénévoles pour assurer la distribution de paniers repas dans les points de distribution, et enfin, des professionnels pour qu'ils nous apportent leurs compétences. Ça rentre tout à fait dans le cadre de nos études, puisque c'est vraiment une entreprise qu'on est en train de monter. Maintenant, pour toute cette équipe d'étudiants, si vous voulez, c'est mise au service de cette opération pour mobiliser le maximum de gens. Et à ce niveau-là, tous les contacts qu'on a pu avoir dans ce but humanitaire nous seront utiles. Tu passes au téléphone. Donc pour les 3 tonnes de choucroute, c'est d'accord. Et Pierre, est-ce que tu peux appeler Nancy, leur dire qu'au son de 15 000 boîtes, on leur en envoie 5. Mais bon, Marie-Vierge, finalement, il y a un concours qui est organisé à Toulouse. C'est un concours de choucroute, donc il faut absolument leur trouver un stockage spécial. Le réseau rassemble 22 écoles de commerce. Ses étudiants se chargent de gérer la logistique et la formation, de trouver des sponsors locaux et de faire remonter les problèmes spécifiques au niveau national. Pour ce qui concerne l'organisation globale et les questions techniques complexes, 3 hommes un peu plus expérimentés au CV impressionnant intègrent l'équipe des restos. Ils s'appellent Paul Houdard, Francis Bourg et Jacques Mariette. Anciens PDG et hauts fonctionnaires, ils sont très au fait des questions d'urgence et d'alimentation. Conseillés par le ministre de l'Agriculture, ils répondent aux questions d'approvisionnement, de transport, de stockage et de distribution des denrées. Coluche, lui, en chef de meute, poursuit la publicité à la radio et la télé, oriente les décisions et se déplace le week-end en province à la rencontre des élus, des responsables d'autres associations et des premiers bénévoles. Au mois de novembre, c'est devant les caméras qu'il inaugure de futurs locaux pour les restos, dont 2 avec des anciens premiers ministres, Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux et Pierre Mauroy à Lille. Le 16 novembre, sur l'antenne de France Inter, pour l'émission Les 7 Vérités, Coluche explique les raisons de toute cette action. Et là, il redevient Michel Colucci. Le nez rouge s'efface un peu, voire beaucoup, et laisse apparaître une autre facette de l'homme. Coluche, très précisément, quand et comment vous est venue l'idée des restaurants du cœur ? Bon, l'idée, je l'ai depuis toujours, en fait. Essayez, si on a la possibilité d'ouvrir sa gueule dans un endroit, au moins que ça profite à tout le monde, quoi. C'est comme ça, on emmerde forcément quelques-uns en même temps, qu'au moins ça profite au plus grand nombre. Et puis l'idée, elle est venue comment ? Récemment, c'est que le nombre des gens qui n'ont pas à bouffer a augmenté terriblement. Et puis d'autre part, c'est plus des clochards qui n'ont pas à bouffer, c'est des ouvriers spécialisés qui n'ont pas de travail. En tout cas, c'est des gens qui savent faire quelque chose et qui ne trouvent pas d'emploi. Vous avez déjà vraiment, Coluche, crevé de faim ? Crevé, hein ? Non, je suis pas mort. Enfin, je sais que chez moi, on a eu des difficultés pour manger quand j'étais petit, ouais. Chez les Colucci, on n'était pas riches ? Ah non, non, pas du tout, non. Ah non. Ce qui manque désormais, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, ici comme ailleurs. Pour atteindre l'objectif fixé par Coluche de servir près de 200 000 repas quotidiens à partir du premier jour de l'hiver, Europe 1 organise le 14 décembre une journée événement autour de l'opération. Tout au long de la journée, Coluche fait le point sur la collecte, des copains débarquent, dont Daniel Guichard et l'excellentissime Daniel Balavoine, pour donner un coup de main, dire un petit mot. La journée est un joli succès, les dons affluent. Coluche, qui chanta un jour d'octobre de 1979 « Misère », rêve désormais de la repousser. De Jean-Louis Chotard et Gérard Grandjean, sur une musique de Pierre Bénichoux et Marie Groupière, « Misère ». Misère, je vous le dis tout de suite, c'est le nom qu'un type a donné à son chien, parce que il est comme lui, il l'a trouvé dans la rue, si vous voulez, et que il est comme lui, alors il le comprend, parce que comme il est né dans la rue aussi, il le comprend. Je me comprends. Des fois, on a plus de contact avec un chien pauvre qu'avec un homme riche. Hein. Je vous le dis tout de suite, ma chanson ne passe pas à la radio, hein, vous la verrez pas à la télévision non plus. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Mais elle s'en fout, elle a quelque chose à dire. Hein. Misère, misère, misère, c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère, ça sera donc toujours les salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos. Misère, misère, tu te fais l'ennemi des petits, tu te fais l'allié des pourris, des pourris. L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, ce qui est la moindre des choses. convenons-en. Misère, misère. Peut-être qu'un jour ton président sentant monter notre colère. Misère, misère. Devant les peuples sans frontières, alors il s'en mordra les dents. Misère, misère. Tu repartiras d'où tu viens en emportant tous tes chagrins. Tes chagrins. L'argent fera bien le bonheur des pauvres, ce qui sera la moindre des choses. Convenons-en, convenons-en. Ça va les garçons? Un peu froid, mais... C'est quoi ta télé? C'est la 2. Ça va la 2. Bon, elle est mec, hein. On 21 décembre 1985, premier jour de l'hiver. Sur un terrain vague, à Gennevilliers, un chapiteau s'est élevé depuis plusieurs jours. Coluche arrive aux aurores, accompagné des bénévoles, des jeunes de l'école de commerce, des copains de la radio et du music hall. Devant les caméras, tout ce petit monde s'active pour décharger la nourriture, préparer les sacs et les stands. Tous derrière leur table, ils attendent la première personne qui demandera un peu d'aide. Il s'agit d'un couple venu avec ses enfants. Pour l'occasion, et sans doute pour se sentir un peu plus fort, ils se sont habillés avec les habits du dimanche, comme on disait à cette époque. Que font-ils là? Le père répond simplement... J'ai faim, j'ai un métier mais pas de travail. La famille remplit son sac puis s'en va chez elle. Ils seront des centaines à venir ce jour-là dans les 18 restaurants qui ont ouvert sur tout le territoire. À 13h, entouré de jeunes et de bénévoles, Coluche est interrogé pour le journal d'Antenne 2. Bonjour Coluche. Bonjour. Alors comment ça se passe ce matin? Est-ce que ça marche comme... Tout marche comme vous le souhaitiez? Oui, ça marche très bien, oui. On va distribuer entre 34 et 37 000 repas en France. Et dès vendredi prochain, on va passer à 60 000 par jour. Et puis voilà. Agnès? Coluche, il y a beaucoup d'associations qui font déjà ce genre de travail. Oui. Comment vous ont-ils accueilli? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de leur faire un peu de l'ombre? Ah non, on leur fait du soleil, au contraire. Alors là, vous êtes tombés pile à côté. D'ailleurs, ils ont tous signé avec nous, à part un ou deux. J'entends plus, mais enfin bon, ça, c'est la télé. Je connais, j'y travaille. Je crois qu'il fallait relancer l'idée de générosité. On a vu ici des gens qui viennent chercher 5-6 repas pour aller faire manger leurs enfants et leur famille chez eux. Bon, bah c'est à ces gens-là qu'on s'adresse. Jour après jour, l'affluence augmente. La peur des regards, des on-dit, la honte de venir demander à manger s'efface un peu. En tout cas, l'intuition de l'humoriste était juste. En France, il y a des gens qui ont faim. Alors, pour assurer la poursuite de l'aventure et subvenir à ses besoins qui augmentent chaque jour jusqu'à la fin de l'hiver, une nouvelle journée de mobilisation est prévue. Celle-là se déroule le 26 janvier 1986. Un mois après l'ouverture des premiers restos, et en partenariat avec de nombreuses radios, TF1, pas encore privatisé, ouvre son antenne tout l'après-midi pour ce show caritatif. L'émission commence par le clip d'une chanson encore inconnue du public, la chanson des restos, qui débute par ce message... Moi, je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. Derrière ces mots, il y a la signature de Jean-Jacques Goldman qui crée des tubes comme il respire. Auteur-compositeur accompli et inspiré, il vient de se hisser à la tête des charts français avec la chanson « Je te donne ». C'est aussi le demi-frère de Pierre Goldman, militant d'extrême-gauche assassiné en 1979. Mais 7 ans plus tard, les idéologies ont laissé place à l'humanitaire, cette valeur refuge. Sans étendard partisan, sans idole, des hommes et des femmes se rassemblent autour de quelques mots d'ordre qui font sens. En quelques phrases, Goldman dépeint une époque et synthétise l'idée de Coluche. Autour de lui, des gens du showbiz, Yves Montand, Nathalie Baye, les Michel, Drucker et Platini, reprennent les couplets. Sur le plateau de TF1, de nouveaux venus arrivent, dont Guy Bedos, Johnny Hallyday, Michel Berger et même Guy Lux, le présentateur désuet. Après les artistes, ce sont les politiques qui souhaitent désormais être sur la photo. Ah oui, c'est que en ce début d'année 86, tous ont pour horizon les élections législatives de mars. Alors, ceux qui regardaient de haut la mesure publique, qui ne le prenaient ni au sérieux ni au téléphone, se jettent dans ses bras. Sur le plateau de TF1, on a l'impression de vivre la cohabitation avant l'heure. Tout le monde est là. Il y a Michel Rocard, le socialiste à la mode, Dominique Baudis, proche de Valéry Giscard d'Estaing et maire de Toulouse, mais aussi un jeune homme politique, le plus proche collaborateur du maire de la capitale, un certain Alain Juppé. C'est lui qui lève les dernières hésitations de Jacques Chirac et qui permet ainsi l'ouverture de restos dans la capitale. L'émission dure 4 heures, ponctuée de discussions, de chansons et d'appels aux dons. À la fin, Coluche répond aux questions de Pierre Baretti, journaliste de France Inter, ému. Bon ben écoute, pour l'instant donc on sait pas exactement combien on a ramassé d'argent en France. On sait que on a bloqué les standards de toutes les radios de France. On sait que on a eu le plateau de l'année probablement. Tout notre métier est venu. Les partis politiques ont été représentés, toutes tendances confondues. Et confondu, c'est vraiment le cas de le dire, parce qu'il y avait une confusion terrible sur le plateau. Je crois que je voudrais remercier, évidemment, tous les gens qui ont donné de l'argent, mais je voudrais remercier ma profession, parce que je crois que c'est une des rares sur laquelle on puisse compter, de tout, quelles que soient leurs opinions, quelles que soient leurs querelles personnelles, ils étaient là, et ils ont fait preuve d'un œcuménisme qui pourrait faire bonne impression sur d'autres professions, je dirais. On apprendra plus tard que ce soir-là, certains ont vu Coluche verser une larme, seul, emporté par la générosité des Français, des professionnels de la profession et de ses personnalités qu'il respectait. Ce jour-là, près de 28 millions de francs sont récoltés. C'est la première fois qu'une mobilisation de ce genre se déroule à la télé et à la radio, avec des politiques de toutes tendances et des artistes de tous horizons. Désormais dans la presse, on ne parle plus de Coluche mais de Michel Colucci, l'homme des restos. Grâce à cette journée spéciale, l'organisation sait qu'elle passera l'hiver pour accompagner ceux qui ont faim. Fin février, près de 120 000 repas sont distribués chaque jour. L'organisation s'affine, les temps d'attente diminuent, le pari est réussi. Et pourtant, Coluche ne souhaite pas s'arrêter là. Dès le lancement du projet, il a une autre idée dans la tête, celle d'une loi, oui, une loi, qui permettrait aux donateurs d'obtenir un avantage fiscal au titre des dons aux associations humanitaires. Annoncé au mois de janvier, le projet est lancé dès l'automne avec des énarques et des fiscalistes qui sont entrés dans l'aventure des restos. Parmi ses nouveaux compagnons de Coluche, il y a Anne Coutard, énarque, spécialiste des problèmes sociaux et culturels. Elle joue un grand rôle dans l'écriture de la première mouture du projet de loi et permet à Coluche de rencontrer les personnes qui pourraient lui permettre d'obtenir des soutiens au sein des assemblées. Alors que les restos tournent à plein régime, l'humoriste retourne au combat. Il profite de la campagne des législatives de mars 86 pour taper à chaque porte, de gauche comme de droite. Et dès qu'il peut répondre à des journalistes présents sur place, il le fait, comme ce 3 février 86, au micro de France Inter. Ce que je voudrais, c'est que tout le monde le mette dans son programme, quoi. Ouais. Voilà. J'ai demandé à me faire inviter lors de... comme ça, par les chefs de parti, pour voir si ça les intéressait de consulter ça. Et bon, moi, je l'ai fait faire par des gens très sérieux, des énarques, fiscalistes et tout ça. C'est vital, quoi, c'est indispensable, faut que les gens bouffent, déjà, c'est le minimum. Hein ? La sécurité de tout le monde dépend de ça, déjà, je sais pas, enfin, c'est vachement important, quoi. Alors quand on aura... C'est sûr, mais ouais. c'est l'urgence de... parce qu'il faut que le Parlement le vote, le truc. Donc oui, si on attend après avril, mai, ça nous met... Oui, mais c'est de l'urgence d'avant-hier. Hein. Alors si jamais c'est là que demain, bah tant pis. Hein. On le prendra quand même. Une fois qu'on aura fait cette loi, le problème sera réglé définitivement. C'est vachement important. C'est vachement important de pouvoir avoir assez d'argent pour nourrir tout le monde, quoi. Tous reconnaissent l'importance du dispositif et promettent de défendre l'idée au lendemain des élections. Et Coluche continue. Il va même jusqu'au Parlement européen à Strasbourg à la fin du mois de février. Habillé d'une salopette et d'un pull jaune, il s'assoit autour de la table et présente, devant les caméras et les représentants des pays membres, ses 600 restos qui pourraient s'étendre au niveau européen. Et il insiste sur le principe qui consiste à utiliser les excédents de productions agricoles pour nourrir ceux qui en ont besoin. Il développe également son idée de loi. Le ton est enthousiaste, mobilisateur. Le 21 mars, dernier jour de l'hiver, les restos, comme promis, ferment. Bien sûr, le chômage sévit toujours, le travail précaire augmente. Mais pour un temps, les Restos du Cœur ont accompagné ces invisibles et leur ont donné à manger tout en préservant leur dignité. Quelques jours avant la fermeture, la droite remporte les élections législatives. C'est désormais à Jacques Chirac et à son gouvernement de trouver des solutions pour répondre aux questions de pauvreté. Quant au projet baptisé Coluche, le printemps a laissé place à l'oubli et les discussions se font attendre. Coluche, lui, reste à l'affût. Après le succès des Restos, il prépare son retour sur scène pour la rentrée de septembre 86. Au micro de Michel Denisot pour l'émission Zénith, il révèle les thèmes qu'il abordera et il promet de rappeler les politiques à leurs promesses de l'hiver. Et alors là, tu travailles donc depuis un certain temps sur la Côte d'Azur pour revenir en juillet avec un spectacle totalement neuf. Tu seras tout seul au Zénith pendant 40 jours. Ouais. Et donc, ça sera tout nouveau ou on va retrouver des... Ah non, tout nouveau. Non, moi, je ne les sais plus, les anciens. Non, ah, c'est un boulot énorme. C'est du boulot aussi d'apprendre des vieux sketchs. Hein. Alors les thèmes, ça sera quoi? Ça sera la politique, la politique, qui va faire peur aux hommes politiques? Les hommes politiques, ils vont recevoir un peu, oui, il y en aura pour tout le monde, comme on disait à la radio. C'est-à-dire que je me suis trouvé dans une situation avec les Restaurants du Cœur où ils m'ont tous fait des promesses, tu vois. Et puis maintenant, je les vois, quoi, les promesses, tu vois. Donc, si tu veux, je vais les régaler. Et tout seul, tout le temps. On va se gêner. Oui. C'est un pari formidable. Je l'aurais bien fait avec un autre, mais j'ai pas trouvé l'autre. Ce sera sa dernière apparition à la télé. Le 19 juin 1986, un camion le percute sur sa moto. Putain de camion. Le 24 juin, le génial enfoiré est enterré à Montrouge, cette ville qu'il a vu naître, où il a eu froid et faim, lui aussi, un temps. Pour célébrer ses funérailles, l'abbé Pierre fait le déplacement. L'homme de l'hiver 54, ce copain d'une autre époque, au cri semblable pour les plus démunis, sa présence, c'est aussi celle d'un héritage. En octobre 1988, deux ans après sa disparition, à la faveur du retour des socialistes au pouvoir, l'Assemblée vote enfin la loi Coluche. Ce texte stipule que les versements affectés à la fourniture en France de repas à des personnes en difficulté ouvrent droit à 50% du montant de ces versements dans la limite de 400 francs. Depuis cette date, plusieurs ministres du budget ont élevé le plafond autorisé pour déduire les dons du montant de l'impôt. Cet hiver, les Restos fêtent leur 31e saison. Les compagnons des premiers jours, comme Jean-Michel Magelsi, qui fut pendant deux ans le président de l'association, ont poursuivi l'œuvre de Coluche dès l'hiver 86-87. Fidèles au poste et à leurs idées, ils ont poursuivi la route de la mesure publique. 30 ans après l'appel, pour l'hiver 2014-2015, les Restos ont mobilisé 69 200 bénévoles, accueilli près de 95 000 personnes, distribué 128 millions et demi de repas dans près de 2111 centres et reçu 93 millions et 300 000 euros de dons et de legs. C'est toute l'œuvre d'un humoriste exceptionnel, jamais égalé, d'un leader d'opinion charismatique et surtout d'un homme au cœur gros comme un resto. Sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. À tous les recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. aujourd'hui l'histoire des Restos du Cœur, une occasion de braquer sur la pauvreté en France, le projecteur. Bonjour Nicolas Duvaux. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre de cette rediffusion sur le lancement des Restos du Cœur. Alors je le rappelle aux auditeurs, vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris 8 et auteur notamment de ce travail intitulé « Nouvel âge de la solidarité, pauvreté, précarité et politique public » et vous êtes aussi l'un des rédacteurs de la revue numérique « La vie des idées ». Voilà. Alors dans le récit, nous avons raconté la naissance des Restos du Cœur en 1985, dans les pas de son inventeur, Coluche. Revenons sur le contexte de cette création, c'est-à-dire sur les années 80. Alors il y a le tournant de la rigueur en 1982 qui génère forcément son cortège de misère sociale, enfin de difficultés sociales en tout cas. On se souvient de l'émission très ambiguë qui s'appelait « Vive la crise ». Et puis l'essor de ce qu'on appelait les nouveaux pauvres, c'est un peu, c'est pas très élégant. Enfin, on les appelait comme ça. C'est quoi cette pauvreté qui arrive comme ça dans les années 80? Bien qu'elle existait avant, évidemment, mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et je pense qu'il faut repartir un tout petit peu en amont, c'est-à-dire de la deuxième moitié des années 70, quand, après les chocs pétroliers, la France rentre, comme les autres sociétés développées, dans un régime de croissance moins rapide que précédemment. Et à partir de ce moment-là, le chômage de masse va entrer dans la réalité sociale et ne va plus cesser d'exister jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce chômage de masse qui va poser un double problème. Un premier problème, il est général, il se pose à toutes les sociétés. C'est-à-dire toutes les sociétés développées vont être caractérisées par l'existence d'un décalage entre le nombre d'emplois disponibles et le nombre de personnes qui souhaiteraient en occuper un. Et en France, il y a une difficulté particulière et qui rend particulièrement aiguë le problème de la pauvreté, c'est le fait que notre protection sociale repose sur le travail. Et donc, dans les années 80, on découvre des gens, et notamment de jeunes hommes, qui n'ont absolument pas de protection sociale, parce qu'ils ne travaillent pas ou n'ont pas travaillé, et donc se retrouvent en dehors des filets de la protection sociale. Ce qui a dû servir de base, notamment, ce que vous dites là précisément, à une idée comme le RMI. Tout à fait. C'est exactement la même période historique, le RMI. 88 ou avant 88. Hein. Exactement. C'est la même, et c'est la même dynamique sociale et politique où la France, qui a constaté l'apparition du chômage de masse, qui a aussi fait le deuil de politiques de relance, on va dire keynésienne, vous l'avez évoqué avec le tournant de la rigueur. Donc la France se demande finalement que faire par rapport à un stock, excusez-moi le terme, hein, mais par rapport à un stock de personnes au chômage ou dans la pauvreté et dont on sait qu'il n'a pas vocation à se résorber rapidement. Et donc, les Restos du Cœur sont une initiative de la société civile qui vise à apporter dans l'urgence une solution, enfin, des éléments au minimum, c'est-à-dire la nourriture et puis des bons en termes, par exemple, de vêtements. Et puis, le RMI va ancrer dans le droit au fond, l'idée qu'un revenu doit être accordé à toute personne, même si elle n'a jamais travaillé. Donc, on émet les deux éléments s'inscrivent dans la même logique d'une réponse à une situation à laquelle on ne voit pas de réponse rapide. À ceci près, tout à fait d'accord, mais qu'il y a quand même deux logiques qui se télescopent. Il y a une logique purement d'État-providence, hein, avec le RMI, et puis un État-providence qui se retire, et donc quelque part qui n'existe plus, en confiant aux associations, tels les Restos du Cœur. Il y a presque une schizophrénie dans la politique économique. Alors, il y a une espèce de schizophrénie, mais je crois qu'il ne faut pas négliger à quel point le RMI a été aussi une rupture par rapport à notre État-providence. Quand en 45, aujourd'hui on fête les 70 ans de la sécurité sociale, enfin on est juste après, on décide de faire des protections assurantielles pour toute la population, eh bien on a absolument l'idée que les formes d'assistance dont le RMI va signer le retour ont vocation à disparaître de la société. C'est quelque chose de prémoderne, c'est très archaïque et paternaliste. Et au fond, le RMI est aussi un constat d'échec. C'est le constat d'échec de l'ambition qui avait été celle des 40 années précédentes. Et donc, on a deux modalités, en fait, je dirais, qui sont unies par l'idée qu'il va falloir apporter un minimum de bien-être à des gens pour qui on ne voit pas exactement comment ils pourraient se réintégrer dans la société. Et puis ensuite, il y a eu, parce que il y a eu des discours sur les assistés, enfin ce que les personnes qui tiennent ces discours considèrent comme tels, hein, les assistés. Il y a quelque chose de lourd et de lourdement péjoratif dans ce terme. Et donc on a créé le RSA. Alors là, c'est une variante du RMI. c'est bien de rappeler quand même les principes du RSA, on peut le faire ensemble. Oui, tout à fait. Alors, le RSA, c'était l'idée qui a d'ailleurs lui-même été réformé depuis, dans le mandat Hollande, par la prime d'activité pour une partie. Donc le RSA, c'était l'idée de rendre intéressant toute heure de travail pour les gens qui sont au RMI. Alors, il y a deux choses qu'il faut dire. La première, c'est que il y a entre les Restos du Cœur, le RMI, cette période-là, et la création du RSA en 2009, il y a une rupture complète dans la société française. On ne parle plus d'exclusion sociale, on ne parle plus de réponse en termes d'inclusion ou d'insertion, on parle d'assistanat et de retour au travail. Et donc là, on mesure le décalage qui s'est fait, et il faudrait comprendre eh bien, cette évolution, pourquoi elle a été possible. Et deuxième point, sur le RSA, donc l'idée du RSA, c'est de donner un intéressement monétaire à chaque individu qui va reprendre une heure de travail. Et simplement, bon, on a constaté très très vite, et dès quelques années plus tard, en fait, c'est pour ça qu'on l'a réformé, eh bien que les gens, contrairement à ce que parfois on peut penser, ne restent pas dans le RSA parce qu'ils le veulent, ou parce que simplement ils manquent de quelques euros pour aller reprendre un emploi. En fait, on constate qu'il y a beaucoup d'autres problèmes, que les situations sont beaucoup plus complexes que ça, et que le discours sur l'assistanat est aussi dépréciatif qu'incantatoire dans la réponse. Alors, Coluche en avait conscience, car l'homme était intelligent. Je crois qu'il avait dit d'ailleurs, on crée les Restos du Cœur avec l'espoir qu'un jour il n'y ait plus besoin de Restos du Cœur. C'est pour ça que je disais que c'est à la fois une réussite dans l'idée, et puis c'est un échec. En tout cas, c'est pas un échec, c'est un constat d'échec. D'accord. Donc pour aborder la situation d'aujourd'hui, on va écouter ensemble un reportage réalisé l'année dernière, mais bon, en un an, la situation n'a pas changé, hein, par Anaël Verzo, qui est allé à la rencontre d'Aïcha et Aziz. Voilà, ces deux personnes font partie des 250 autres qui chaque semaine vont dans ces Restos du Cœur, en l'occurrence dans le 11e arrondissement de Paris. Bonjour. Ça va, ça va bien. Ça va, merci. Pas trop froid. Non, ça va. Pas de lunettes. Bon, merci. Ces petits chocolats qui sont à l'entrée. C'est un petit cadeau. Oui. Un petit camion. Les petits camions. Regarde. C'est pas formidable, ça. Waouh. Chic alors, hein. Et je pense même qu'il y a des chocolats dedans. Il y a beaucoup de monde, hein, Anne. Oui, il y a beaucoup de monde. Il y a 230 personnes par jour en ce moment. Et là, on est un peu juste en denrées alimentaires, surtout en produits frais. Mais par exemple, là, on donne une pomme de terre à un oignon. Moi, je suis un peu gênée, quoi. Pour une famille de 6, c'est un peu juste. Bonjour. Bonjour. Une salade verte. Oui. Oignon, pomme de terre. Et vous venez souvent ici, madame? Oui. Oui, le mardi et le jeudi. J'ai trois enfants et puis je l'ai toute seule. Vous travaillez? Non, je travaille pas, non. Je voudrais bien, mais comme j'ai un fils qui est asthmatique, je reste disponible pour lui, quoi. Et comment vous faites du coup pour vivre? Vous avez un RSA? Oui, le RSA et les allocations familiales. 850 euros, mais c'est pas assez avec trois enfants, quoi. Et le père, il donne une pension alimentaire? Non, pas du tout. Mais vous aviez une formation de... Vous travailliez avant d'avoir des enfants? Oui, j'étais aide à domicile. Comment vous appelez? Aïcha. Oui. Oui. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Ça va partir direct quand je vais arriver. C'est la première chose qui va partir. Ah oui? C'est quoi? Oui. C'est des espèces de vaches qui rient? Ils adorent le fromage, ouais, ils sont comme moi. Parce que moi, je suis originaire du Jura et là-bas, on mange beaucoup de fromage, quoi. Est-ce que vos enfants savent que vous devez venir ici pour chercher? Oui, ils le savent. Des fois, ils m'accompagnent. Bonjour. J'ai soit du poisson, soit de la dinde, soit du bœuf. Je vais prendre du poisson, s'il vous plaît. Du poisson. C'est un peu comme le marché pour eux? Ils se disent, maman va au marché? Non, ils savent que j'ai des difficultés financières et tout. Et je leur ai déjà parlé, de Coluche. Bah, je leur ai dit que c'était lui qui avait inventé les Restos du Cœur. Voilà. Est-ce que vous votez? Non. Jamais? Jamais. J'aime pas la politique. Parce qu'il n'y a rien qui avance. Quand on voit qu'il y a plus en plus de gens qui ont besoin de venir ici au Restos du Cœur, c'est pas normal, quoi. Et vous dites pas que par la politique, les choses peuvent changer? Peut-être, hein. S'il y a une personne qui arrive à faire augmenter le RSA pour les femmes seules ou à faire les choses bien, peut-être que oui, là. Si ça aurait été Coluche, peut-être que oui, ça aurait été. Ça aurait coulé. Vous aviez quel âge en 1985? En 85, je suis née en 74. Alors, j'avais 11 ans. Vous vous en souvenez? C'est le moment du lancement des Restos du Cœur. Ouais, je m'en souviens. J'adorais ces films, Ciao Pantin, Coluche et tout. Alors là, celui-là... Ah ben la petite fille, tu lui as donné le camion, Gabriella. Très bien, c'est ça que je voulais faire. C'est pas ça, ils vont aimer les enfants, les chocolats. Ça aussi, ça va partir vite. Est-ce que ça vous suffit, ce qu'ils vous donnent au Resto du Cœur, ou est-ce qu'il faut faire des courses par ailleurs? Faut faire des courses par ailleurs. Je vous laisse aller alors. Merci c'est beaucoup, Richard. Bah, de rien, merci à vous. Bon courage. Bonne journée. Merci. Au revoir. Ce ne sont pas les capris de Denise. Nous n'avons pas deux. Voilà. Oui. Bon. Allons. Comment vous appelez? Je m'appelle Aziz. Je suis né à Paris, moi. Je suis parisien. Un vrai parisien. Deux mois que je viens ici. Bah, à la base, moi, j'étais à la rue déjà. J'étais SDF. Je dormais avec des Afghans à la place de la République. Je restais avec eux parce que comme les gens leur amenaient à manger, donc j'ai resté avec eux dans les débuts. C'était au mois de novembre que j'ai découvert ça. Et... Vous êtes toujours à la rue ou vous avez un logement? Non, maintenant j'ai trouvé un endroit où dormir. Comment vous êtes retrouvé à la rue? Perte de permis de conduire, perte d'emploi, parce que j'étais à la base ambulancier. Et... Décrochage de la vie active, quoi. Tout simplement. J'ai des enfants, mais bon, je suis séparé de... Bon, moi, c'est nouveau pour moi tout ça. Moi, à la base, la rue, tout ça, je connaissais pas. Je m'attendais jamais dans ma vie un jour à me retrouver au centre du cœur. Moi, j'étais propriétaire avant, j'étais propriétaire, j'étais. C'est un engrenage en fait. Donc, on se retrouve en assisté, quoi. Voilà. Ce qu'on ne veut pas en fait. Hein. Aziz, ouais. Vous vivez avec combien d'argent du coup par mois maintenant? Avec le RSA. Hein. Donc, il reste pas grand chose pour manger à la fin du mois. Quoi. Ça va aller mieux, c'est un passage, hein. Faut pas. C'est un tremplin, voilà. Et franchement, les Restos du Cœur m'ont vachement dépanné, franchement. Et je leur ai promis que dès que ça ira un peu mieux, je viendrai faire le bénévole moi aussi. On vive Coluche. Merci, Aziz. Ouais, je vous en prie. Oh, vous avez quel âge? J'ai 40 ans. Et bon courage. Merci, c'est gentil. Plein de choses à dire hein, quand on entend ça. Alors déjà, petit détour par la figure de Coluche. C'est extraordinaire, les gens là qui viennent au restaurant du cœur. Alors, ce sont deux personnes, ça n'a pas valeur de sondage, mais tout de même, il y a un hommage appuyé, rendu à un personnage magnifique, qui, au-delà d'être artiste, a été un élément à lui tout seul, par son idée d'une prise de conscience de la pauvreté et d'une action aussi. Oui, je crois que c'est le côté extrêmement pragmatique, en fait, des Restos du cœur qui retient l'esprit. C'est-à-dire que on n'attend pas de réponse structurelle aux grands problèmes économiques et on apporte le minimum, c'est-à-dire le couvert, à des personnes qui sont dans la difficulté. Et alors là, c'est évidemment une réponse d'une très grande force parce qu'elle elle donne quelque chose de l'ordre de la réponse fondamentale, on va dire humaine fondamentale à des gens qui sont dans à la fois la détresse matérielle mais aussi souvent dans l'isolement. Et donc la dimension relationnelle du repas, il faut jamais l'oublier, je pense. Ça fait partie du succès des Restos du Cœur, un succès ambigu comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et après on est frappé quand même avec le regard de 2016 de constater à quel point ce type d'initiative et de capacité à mettre en place un réseau d'actions d'envergure nationale et la force, on pourrait dire, d'indignation nous semble lointaine par rapport aux coordonnées du débat public contemporain. Le 5 décembre dernier, puisqu'on parle de situation contemporaine, selon une estimation de l'INSEE, plus d'un Français sur 7 vit avec moins de 60% du revenu médian qui s'élève à 1003 euros par mois. C'est pas la moyenne, hein, le médian, c'est différent. En France, la pauvreté progresse toujours, effectivement. Et le profil de cette personne qu'on a entendu, Aziz, qui était ambulancier, qui avait un travail, qui avait des repères, qui avait des droits, se retrouve quasiment à la rue, en tout cas dans cette pauvreté-là. Est-ce qu'on sait ce que ça représente, ces destins-là, les destins des gens qui ont chuté comme ça? On sait ce que ça représente comme proportion dans la pauvreté en France? Non, ça, c'est difficile à évaluer parce que on sait, mais le cas d'Aziz le représente, que le chômage reste le principal facteur qui explique pourquoi les gens entrent et, pour reprendre un terme qu'ils emploient souvent, tombent dans la pauvreté et dans l'assistance. Voilà, le chômage, c'est vraiment la cause qui va perturber tout un équilibre de vie, qui va faire rompre des relations, qui va empêcher d'avoir des activités associatives, etc. Et donc qui va casser le lien entre l'individu et la société. Et je crois que le portrait d'Aïcha est aussi extrêmement intéressant parce que elle représente une des figures, elle, absolument emblématiques de la pauvreté contemporaine, c'est-à-dire que les familles monoparentales subissent de plein fouet les transformations de notre société. Les familles monoparentales, près de 40% d'entre elles sont pauvres. Ce qui est absolument énorme. Quel constat. Ça, c'est absolument tragique. Ça veut dire que ce sont des femmes qui sont piégées, qui ont des responsabilités de garde d'enfants et qui en même temps ne peuvent pas rentrer sur le marché du travail parce que voilà, tout simplement, il n'y a pas l'équipement collectif qui leur permettrait de le faire. Et là, on voit bien, parce qu'elle a un enfant qui est malade, qu'elle n'a pas de relais. Et donc, elle est enfermée dans la pauvreté. Et ça, je crois que c'est des situations qui sont absolument significatives de la réalité contemporaine. Alors, votre livre intitulé, je le rappelle, « Nouvel âge de la solidarité, pauvreté, précarité et politique publique ». J'y viens, hein, politique publique. Si on n'arrive pas à combattre ce fléau de la pauvreté, c'est parce que quoi, à quoi on ne s'attaque pas et auquel il faudrait s'attaquer finalement. Alors, il y a d'abord, je ne sais pas par quel bout il faut le prendre, mais la réponse au chômage de masse est la question. Alors je sais bien que certains ont pu dire qu'on avait tout essayé, mais la réponse au chômage de masse, elle est quand même au cœur de tous les questionnements qu'on peut avoir. Parce que s'il n'y a pas un moment une volonté de s'attaquer à ce mal fondamental, eh bien, en fait, on ne va voir... Alors, il y a des situations plus complexes, évidemment, hein, de séparation, de maladie, etc. Mais on ne touchera pas le cœur qui fait basculer des populations de manière aussi massive dans la pauvreté et l'exclusion. Donc ça, c'est le point fondamental. Alors après, en fonction des orientations des uns et des autres, il y a des remèdes qui sont proposés. Bah, on peut quand même souligner à quel point il y a des choses en termes de formation qui ne sont pas optimales aujourd'hui dans la société. On pourrait dire, enfin. Oui, c'est des pansements sur les jambes de bois, si j'ose dire, ou pas. Ce genre de, parce que c'est ce que vous dites est très inquiétant. C'est d'abord lucide, évidemment, hein. Vous êtes un chercheur. Si pour sortir de la pauvreté, il faudrait sortir du chômage, ce qui veut dire retrouver une croissance dans un contexte économique qui n'est pas porteur de ça pour l'instant. Est-ce que ça veut dire que la pauvreté va s'enraciner? Mais ça veut dire que la pauvreté est enracinée. D'abord, elle est enracinée. C'est un fait. Elle est enracinée à un haut niveau. Vous l'avez rappelé, environ 14% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Elle touche prioritairement, et ça c'est très inquiétant, les jeunes. Donc de manière bien plus importante que les autres catégories de la population. Ça veut dire qu'ils vont entrer dans la vie avec cette expérience-là. Et alors, évidemment, il n'y a pas de fatalité parce qu'il y a des choix, il y a de l'argent public qui est sans doute mal utilisé, il y a des changements de paradigme qu'on peut adopter. Mais le point, c'est qu'effectivement, on ne pourra pas, ça je crois que c'est une énorme illusion, sortir de la pauvreté en s'intéressant seulement aux politiques publiques de lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire, si vous ne raisonnez que sur le montant du RSA, que sur les aides alimentaires, que sur la CMU et sa capacité à apporter du soin aux plus démunis. Couverture maladie universelle. Voilà. Hein. Et sa capacité à permettre aux plus démunis de se soigner. Si vous restez dans ces réponses ponctuelles, une fois que la pauvreté est là, vous ne résoudrez jamais le problème. Ça, c'est une certitude. Donc il faut une politique de fond, une lame de fond, une reprise de la croissance, donc une reprise de l'emploi. Voilà, il faut les deux, en fait. Ou un partage de l'emploi. Enfin, en tout cas, il faut imaginer des solutions pour empêcher... Ce que l'on voit, en fait, depuis 2008, depuis la crise, là je me situe aujourd'hui, depuis 2008, on a vu que le nombre d'allocataires du RSA avait augmenté de 30%. C'est l'effet retardé de la crise économique et de la montée du chômage. Bien, merci Nicolas Dubou. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais le temps qui nous est imparti, il n'est pas supérieur à celui qui nous est imparti, tout simplement. Merci à vous. Donc je vous salue, je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les Restos du Cœur, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'affaire des vedettes de Cherbourg.